dans ce même studio, voici un peu plus d'un an, en février 1976, quand, ayant à nous en dire quelques mots, vous nous présentiez Adnos en prononçant cette phrase que j'ai retenue. Dans la conque formée par le cours des sons, l'oreille filtre, sélectionne, privilégie comme le ferait un regard posé sur le miroitement de l'eau. Au-delà de l'intérêt que suscite une telle formulation, qui, je pense que Claude Mettras sera là d'accord avec moi, a d'excellentes qualités poétiques, c'est le moins qu'on en puisse dire, il me semble que cette phrase à l'instant rappelée pourrait être une sorte de credo, le credo même de votre attitude de créatrice face à l'univers des sons que vous appréhendez. Mais tout miroir, Eliane Radigue, implique un reflet. Alors quel est celui que vous tentez de tracer ? Le reflet des choses, le reflet de l'innommable, de l'innommé, mais peut-être là s'aventurer dans des zones assez fragiles, mais fragiles, les reflets le sont, et c'est peut-être la notion de reflet qui est à retenir dans tout cela, par sa fragilité, sa versatilité même, et tout ce qu'on peut y voir. On peut voir une foule de choses dans un reflet, tout ce qui ne peut pas être dit d'une certaine façon peut être lu lorsqu'on porte un certain regard différent sur les phénomènes qui sont là, tels qu'ils sont,